Les médias et les pages d'Internet russes, chinois, iraniens, indiens, tchèques, britanniques, américains et japonais ont rapporté le vent de courant à l'unanimité la déclaration du porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée qui proclame la position de principe de nos forces armées révolutionnaires face aux manœuvres de guerre nucléaire téméraire des États-Unis et de la Corée du Sud contre la Corée qui ont atteint le paroxysme.